votre vie. De ça il se nourrit, il passe la charrette pour ceux qui l'achètent, pour s'évader de la réalité. Le poète chaque soir se doit de renaître. C'est un long voyage, voyage sans bagage. Va-t-il revenir, difficile à dire, transporté dans la voie lactée à la conquête d'une autre planète. Comme un cerf-volant, caressé par le vent, il ne veut pas tomber sur ses deux pieds. Dans son monde coloré, est-il immoral, fait-il vraiment mal? Oui, c'est étrange, oui, ça dérange, entretenir le foyer quand il vous subuche. Comme un cerf-volant, accroché par le vent, il ne peut pas tomber sur ses deux pieds.